Mesdames et messieurs, ce soir, c'est relax. Allez me chercher un petit whisky. Allez, vas-y, file. Bouge ton corps. Allez, JP. Tout nu sur la table. 3 grammes d'alcool. Là, ça se prend à côté de la piscine, en été, tranquille, peinard. Come on. Mm-hmm. want the song complete. Agitation tropicale. Ok, the song complete. Thank you.